pleure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Last and always, le premier, le dernier et pour toujours. Ah bah oui, hein, le premier jour de l'année s'enquille toujours avec le dernier jour de l'année précédente. Et c'est toujours le même topo chaque année, chaque nouvelle année. Et en cette nouvelle année, vous êtes sur Osmose, chers amis, dans l'heure du loup avec Stéphane pour vous accueillir. Stéphane qui a, comme vous, un léger semblant encore de migraine qui traîne dans les neurones, mais qui est bien content de vous retrouver en cette année 2016 qui commence toute fraîche, toute rose. Fraîche, peut-être pas comme vous et moi, mais bon, on va faire comme si. Je suis très heureux de vous retrouver les amis, et pour commencer cette première émission de l'année, c'était les Sisters of Mercy avec ce titre First and Last and Always. Pour ceux d'entre vous qui auraient encore le cerveau un petit peu atomisé par les jours de fête qui ont duré ce week-end peut-être, eh bien je vous propose de continuer avec le groupe Party Days pardon, et le titre Atoms. Party Days avec le titre Atoms. C'était un extrait de ce groupe post-punk des années 80, un extrait d'un EP qu'ils avaient sorti en 1984, je crois, qui s'appelait Glass House. Et c'était donc en petite dédicace à ceux d'entre vous qui ont eu les neurones atomisés, qui ont eu le cerveau destroyisé par les jours de fête qui ont précédé cette première émission de l'Heure du Loup sur Osmose en ce début 2016, chers amis. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ce soir, la playlist sera un petit peu influencée par les vœux de bonne année qui correspondent à la tradition chaque année. Enfin, l'année dernière, en même temps, je me dis que je vous avais souhaité mes vœux pour la première année de l'émission, puis dès le lendemain, il y a eu un attentat et ça a été bordel partout en France. Donc, peut-être que je vais m'abstenir ce soir. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais pas m'abstenir de vous passer une bonne playlist, comme à l'accoutumée. Et donc, on va continuer, toujours un petit peu dans ce style musical-là, avec un autre album sorti en 1984, lui, puisque de toute manière, les années qui viennent, les années qui vont, les années qui passent, tout ça, c'est jamais qu'une question de temps. Eh bien, je vous propose de continuer avec un morceau de Depeche Mode, justement, un extrait de l'album Black Celebration, le titre A Question of Time. I've got to get to you first. question of time. Today. Bah oui, hein, le monde aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Peut-être un petit peu moins dans ce morceau qu'on vient d'écouter, Blue Ocean Dream. Et c'est enchaîné juste avant avec un autre projet synth-pop, mais largement plus connu, c'était Depeche Mode, avec un classique, A Question of Time, qui était sorti donc dans les années 80, alors que Blue Ocean Dream, en fait, c'est un projet assez récent. Un Suédois, en fait, un garçon qui s'appelle Ove Emfestoff, et qui donc mène ce projet solo de synth-pop, qui donc fait florès depuis les années 80, et qui c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, un style musical qui est assez couru en Suède notamment. Donc je vous en ramène un exemple supplémentaire avec ce garçon, Blue Ocean Dream, donc un projet solo dont on vient d'écouter cet extrait, The World Today. Comme je vous le disais, hein, le monde aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi, puisque aujourd'hui et demain, on commémore malheureusement les attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu il y a un an. Je ne sais pas quel est le souvenir pour vous, mais c'est vrai que moi, j'étais assez content de mon émission que j'avais faite il y a pile poil un an, où je vous avais souhaité bonne année, et le lendemain matin, aux infos, bam, la gueule de bois, c'est le bordel, des fusillades, etc. quoi. Parfois, je me demande si c'est pas un peu de ma faute. Mais bon, allez savoir. Je n'ai peut-être pas ce pouvoir-là. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ce serait vraiment un bordel sur Terre. Croyez-moi. Toujours est-il que donc, je vous souhaite, en tout cas pour l'avenir, je vous souhaite une année 2016 qui soit un petit peu plus légère que l'année passée. Justement, c'est l'objet du morceau avec lequel on va continuer. Un groupe glam français que j'aime bien, Lycogia, avec le titre Light Years. que j'aime ce groupe. À l'instant, c'était The Organ avec le titre A Sudden Death. C'était un extrait de leur album Grab That Gun qui était sorti en 2004. Et c'est enchaîné juste avant avec un groupe français, celui-là, pas canadien, comme ces petites demoiselles de Vancouver. Un groupe français qui s'appelle Lycogia avec le titre Light Years. Donc, comme je vous le disais, je vous souhaite que l'année soit légère. Lycogia, ce groupe de glam rock qui donne plus de nouvelles depuis longtemps, qui mélange allègrement un côté pop, voire des sons 8 bits comme on vient de l'écouter, et un côté glam rock. Est-ce qu'ils donneront des nouvelles en 2016? Allez donc savoir. A Sudden Death, qui était donc le titre de The Organ qu'on vient d'écouter à l'instant. Une mort soudaine. Ben ouais, justement, une mort soudaine, c'est avec ça que s'est ouvert l'année, hein, même avec plusieurs, j'oserais dire. Puisque, bon, bah, au niveau de la chanson française, on a eu Michel Delpech. Au niveau du cinéma français, on a eu Michel Galabru. Notre collègue Dominique a bien fait d'interviewer Michel Drucker pendant qu'il est encore vivant. Hein, parce que si j'en crois à la théorie des Michel, jamais deux sans trois. Bref, moi, c'est d'un autre garçon qui est mort récemment dont j'ai envie de vous parler. C'est Lemmy Kilmister, bien entendu. Charismatique chanteur du groupe Motorhead, chanteur et bassiste, qui s'est éteint il y a peu, en fait. Il avait appris début décembre qu'il avait un cancer et puis le cancer s'est occupé de lui quelques semaines plus tard. Cet homme-là a été rock'n'roll toute sa vie. Il y a des milliards d'anecdotes à vous raconter sur ce gars-là. Ça vaudrait le coup de faire une émission spéciale. Mais pour le moment, je voulais juste y faire un clin d'œil. Enfin. Un hommage, donc, charismatique chanteur de Motorhead. Il avait commencé dans les années 70. Il a commencé à la fin des années 60 en étant roadie pour Jimi Hendrix, notamment. Dans les années 70, il a été bassiste pour le groupe Hope Queen. Un groupe pour lequel j'ai jamais vraiment accroché. Et puis, dès la fin des années 70, après qu'il se soit fait virer de Hope Queen, il a chanté au sein de Motorhead. Et jusqu'à la fin, quoi. Et donc, un groupe mythique pour un homme charismatique. Dans tous les hommages qui ont défilé récemment sur le net, j'ai découvert une interview de Lemmy par Yves Mourousi. Mourousi, un présentateur télé des années 80 qui avait l'air très austère, mais qui en fait a fait beaucoup pour le rock sur la télévision française à l'époque. C'est lui notamment qui a permis à des gens comme Iggy Pop ou donc Motorhead de passer à la télévision française dans les années 70 et 80. Voilà, mais là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, peut-être que, quel que soit votre âge, vous aimez et vous connaissez Motorhead. Donc on va écouter un extrait tout de suite. Alors il y avait des tas de morceaux qui convenaient à un hommage funèbre. Des tas de morceaux, disais-je, Stone Dead Forever par exemple, ou Dancing on Your Grave. Bon, ben ce soir j'en ai choisi un, je l'ai peut-être choisi trop tard, allez savoir. Motorhead, tout de suite, Lemmy avec le titre Too Late, Too Late. You're so fucked. No more Mr. Nice Guy. Non, il n'y a plus de gars gentils. À l'instant, c'était Alice Cooper avec cet extrait de l'album Billion Dollar Baby sorti en 73. Et c'était enchaîné juste avant avec un hommage au grand disparu récemment, Motorhead, Lemmy Kilmister avec le titre Too Late. Too Late, un titre qu'ils avaient sorti eux à la fin des années 70. Voilà, No more Mr. Nice Guy. Non, cette année, j'arrête d'être gentil. Je ne sais pas quelles sont vos bonnes résolutions à vous pour cette nouvelle année, mais moi, j'ai décidé ça et donc j'ai repensé à ce titre d'Alice Cooper. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien sûr Osmose Radio dans l'heure du loup avec Stéphane et sa mauvaise humeur et ses bonnes résolutions. Et comme je vous le disais un petit peu en début d'émission, je vais vous souhaiter mes vœux. Tant pis pour vous. Chers amis, en intromission de... Je recommence, excusez-moi. Chers amis, en introduction de cette émission de nouvelle année, je vous souhaite de vous amuser joyeusement dans l'état de nature. Je vous souhaite de vous amuser joyeusement dans l'état de la nature tant qu'elle est en bon état, hein, en batifolant gaiement dans les préliminaires, avant que de flâner par les reliefs sinueux, de mamelons boisés en combes moussues, puis de descendre les champs de fleurs, de peaux, en reculant un peu, avant de s'enfoncer beaucoup, dans les profondeurs ombragées des vallées profondes à la végétation odorante, et d'où jaillissent les flots impétueux des torrents mugissants qui surgissent des entrailles de la mer, de la terre, ou enfin bref, de la matière, d'où l'eau rosa. Enfin, l'eau rosa une fois par mois seulement. Bref, une fois passé votre mal de tête, prenez soin du cœur des dames, préoccupées par leur bonne résolution et accessoirement leur tour de taille après les fêtes. Si 2015 restera dans les annales comme celle où on n'a vraiment pas eu de cul, n'ayons de fesses de serre en porte, n'ayons de cesse de faire en sorte que 2016 soit l'année de l'éviction, j'ai dit éviction de nos mauvaises humeurs. Traçons le sillon qui nous fera rejoindre nos buts. Toi, mon loulou, érige-toi vite et bien, dresse-toi gaillardement contre l'adversité. Toi, ma chérie, écarte grand tes bras au bonheur. Organisons-nous pour que la France enfante les forces vives qui s'agitent en son sein. Oui, c'est étonnant. Ayons à cœur de donner corps à notre volonté de ne pas finir vaincus. Travaillons à descendre les courbes du chômage. Culbutons tous les gens foutre afin de prendre pied en 2016. 2016, année de la Marseillaise, si j'en crois le ton martial et patriote des vœux de François Hollande l'autre soir. La Marseillaise, eh bien, écoutez, ça prouve que François Hollande ne connaît pas la rue Curiole aussi bien que moi, parce que sinon il saurait que les Marseillaises de cette rue-là, ce sont souvent des travelots brésiliens. Donc je propose, pour que cette nouvelle année, que 2016 soit l'année du travelot brésilien. Ça fait mal au cul aussi, un petit peu, mais je vous jure que ça fait moins mal au cul qu'un djihadiste syrien. Voilà, c'était mes vœux pour cette nouvelle année 2016, chers amis. Donc, on va pouvoir continuer en musique après cet aparté où j'ai pas parlé de cul. Hein. Pour une fois, j'ai pas parlé de cul, venez pas me reprocher. Si vous avez l'esprit mal placé, c'est votre problème, chers amis. Allez, on continue en musique avec un autre hommage à un grand disparu de l'année 2015, hein, parce que je vous parlais de Lemmy Kilmister tout à l'heure. Chanteur et bassiste de Motorhead. D'ailleurs, le groupe met fin à ses activités, donc il ne survivra pas à la mort du chanteur. C'est un petit peu logique en même temps, mais ça fait toujours un petit peu mal au cœur. 2015, Lemmy Kilmister, chanteur et bassiste de Motorhead, meurt et puis le groupe arrête. En 2010, c'était exactement le même cas de figure avec Type O Negative et Peter Steele, hein, qui lui aussi était chanteur et bassiste, qui s'est éteint et puis donc le groupe a arrêté. Donc la question qui se pose, du coup, c'est à qui le tour en 2020? On verra bien. 2010, 2015, 2020, on verra. Pour le moment, on est en 2016 et j'ai envie de rendre hommage, disais-je, à un autre garçon, un grand type, un grand anglais en l'occurrence, tout au moins britannique. C'était Christopher Lee qui s'éteint au mois de mai l'année dernière. Et cet homme-là, vous le connaissez évidemment pour les rôles qu'il a tenus au cinéma, mais il a fait aussi une carrière dans le métal. Oui, oui, il a été espion pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été acteur sur tous les écrans pendant les années 60, 70, 80 et jusqu'à encore à tout récemment. Et il a aussi été chanteur de métal, notamment avec le groupe Rhapsody of Fire. Il avait sorti un concept album en fait de power metal basé sur la geste de Charlemagne, le règne de Charlemagne, dont Christopher Lee d'ailleurs, par son arbre généalogique, était un très très lointain descendant. Voilà. Et sur cet album, dont je vous mettrai les références évidemment sur le Facebook de l'heure du loup, il sortait un titre qu'on va écouter tout de suite, The Bloody Verdict of Verdun. Does a man have to fight all his life, only in death to take flight to the skies? Warmongers vie to take my throne, no respect is ever shown. In borderland raids, they came in their hordes, ransacking villages, taking the spoils, with nothing to lose and possessions few. Bold, sturdy, fearless and cruel. Defiant of baptism on pain of death, tough measures call for me to be ruthless, to set an example to the rebels, draconian for their worship of devils. 4,000 men all dead in one day, they would not renounce their heathen ways. 30 years of campaigning consumed to subject those pagans to Christian rule. The burning of Vernon, river flowing red with the blood of 4,000 men that I did behead. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of the Saxon. I shed the blood of the Saxon men. I shed it at Verdun. I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. Un extrait de l'album, concept album dédié à Charlemagne, sorti en 2010 par Christopher Lee et un groupe avec lequel il collaborait, un groupe power metal italien qui s'appelle Rhapsody of Fire, et c'était donc The Bloody Verdict of Verdun. Pour l'anecdote, en fait, c'est le verdict sanglant de Verdun, c'est à ne pas confondre avec Verdun en France, c'est Verdun en Allemagne. Quand Charlemagne a conquis cette partie de l'Europe, il a répandu le sang des Saxons, donc vous pouviez l'entendre dans le refrain, hein. I shed the blood of the Saxon men, je répands le sang des païens saxons pour les christianiser. Voilà, c'était un petit peu ça le pitch. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de l'émission, donc très rapidement, eh bien, je vous re-souhaite une très bonne année, en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que la précédente, encore qu'il ne faut jurer de rien, et pour faire ça avec des ondes positives, en quelque sorte, en tout cas avec quelque chose de joli et de mignon, puisque comme à notre habitude on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à la playlist qu'on aura écouté ensemble pendant une heure. Et bien ce soir ce sera avec une autre actrice en fait française que j'aime bien, Jeanne Moreau, qui dans le film Jules et Jim chantait une petite ritournelle vraiment très mignonne, et avec laquelle donc j'avais envie de vous souhaiter enfin une bonne année 2016. Voilà chers amis, le tourbillon de la vie, c'est avec cela qu'on va se quitter, et je vous souhaite que votre vie tourbillonne en 2016 et toutes les années suivantes. Bisous. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.